بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله عز وجل. En cette nuit du 27 Ramadan 1441, qui correspond au 19 mai 2020, on se retrouve pour l'interprétation d'un sujet qui est fort intéressant, qui concerne la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Ce sujet qui est traité par notre noble cheikh, Cheikh Ubayd Al-Jabiri Hafidhahullah, et cet exposé est intitulé « Is'af dawi al-basira wal-basar bil-tahdhiri min amrin khatirin yusha'u hawla laylati al-qadr ». Donc le titre de cet exposé ou de ce cours de Cheikh Ubayd, c'est « L'assistance aux clairvoyants sur un sujet grave concernant la nuit du destin ou laylati al-qadr ». قال حفظه الله تعالى ومتع به. Il faut savoir que le sujet qu'il traite ici, qu'il parle de cette lumière qui descend du ciel vers la terre, que certains croient que Laylat al-Qadr est une lumière qui descend, c'est que dans la société marocaine, on croyait à ça. Hein? Les gens croient, et encore certains croient à cela, comme quoi la nuit du destin, surtout la nuit du 27, que du ciel descend une grande lumière et que de cette lumière descend celui qu'ils appelaient, que les lamas s'appellent Sayyidna Qadr. Donc, revenons à la risala de notre noble cheikh, Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie dans son obéissance et qu'il le guérisse. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فلا يخفى على من بصره الله وأنار قلبه بالهدى وطوع نفسه باغتنام سبيل كل خير فضل ليلة القدر وذلك لما جاء في التنزيل الكريم ومستفيد السنة الصحيحة من عظيم فضلها وشرفها وحض المسلم على اغتنامها وتحريها. Après la louange à Allah et les salutations sur son prophète alayhi salatu wasalam, sur toute la famille du prophète, sur ses nobles compagnons. Et il dit, Hafidhahullah, ceci dit, il dit, ce n'est pas un secret pour celui qu'Allah a comblé de clairvoyance et à qui Allah a illuminé le cœur pour la guider et qui cherche à obtenir le bien de Laylat al-Qadr par la voie de tout bien à cause de ce qui est contenu dans la révélation et qui incite et motive le musulman à acquérir le butin de cette nuit. Il dit, en effet, les textes sont nombreux, énumérant les mérites et les honneurs de cette nuit, de cette noble nuit. قال حفظه الله فمن آية التنزيل الكريم قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Il dit, حفظه الله, parmi les versets du Coran, il y a le verset qui est dans sourate Dukhan. Donc, Hamim, par le livre explicite que nous avons fait descendre en une nuit dont les bénédictions sont immenses, nous avertissons durant cette nuit et décider tout ordre fait à la perfection. C'est un commandement qui vient de nous, si nous qui envoyons les messagers. Par miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui le Dieu et l'omniscient. قال حفظه الله وبين سبحانه هذه الليلة المباركة بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إلى دي أسي حفظه الله يا الله سبحانه وتعالى كلاغي في الميغيت إلى زونور دو سيت نوي Dans cette sourate, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Nous l'avons descendu pendant Laylat al-Qadr. Et qui te dira qui est Laylat al-Qadr? La nuit de l'Qadr est mieux que 1000 mois. Durant cette nuit, les anges ainsi que Jibril descendent avec l'ordre de leur Seigneur décrété pour l'année. C'est une nuit de paix et de salut jusqu'à l'apparition du Fajr. Qala hafidhahullah. فقد تضمنت هذه الآيات من الصورتين مجتمعة ثلاث فوائد عظيمة الأولى فضل هذه الليلة والحض على اغتنامها وتحريها كما جاء في السنة الصحيحة أن ذلك في أوتار العشر الأخيرة من رمضان إلدي حفظه الله سيفرسي de ces deux sourates réunies contient trois grands points à retenir. Le premier point à retenir, les mérites de cette nuit et l'incitation à la rechercher avec les bonnes œuvres pour acquérir son butin, comme cela est annoncé dans la Sunna authentique, que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits impaires, dans les nuits impaires, hein, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Thaniya, نزول القرآن في هذه الليلة وهو الكتاب الذي أنزله الله بالهدى وبينات من الهدى والفرقان وجعل فيه لا في غيره من كلام البشر الهدى والنور Et le deuxième point à retenir, le Coran est descendu cette nuit. C'est le livre qu'Allah a descendu et le Coran contient la guidée, les clarifications et le discernement de la guidée. Allah a mis dans le Coran la guidée et la lumière, ce qu'il n'a pas mis dans la parole des humains. الفائدة الثالثة وهذه في سورة القدر خاصة الحض على العبادة في هذه الليلة وأنه من قيام ليل وقراءة قرآن وغير ذلك مما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يزيد على فضل العبادة في 1000 شهر خلت من ليلة القدر وذلك 83 سنة وأشهر إذ حفظه الله تعالى La troisième leçon à retenir et cela est spécifiquement pour et spécifiquement contenu dans Sourate Al-Qadr, il est stipulé l'incitation à l'adoration durant cette nuit, et cela s'accomplit par la prière, la lecture du Coran, et autres adorations qu'Allah a légiférées dans son livre, et par la voix de son messager, alayhi salam. Il dit, le mérite de l'adoration durant cette nuit équivaut au mérite de l'adoration de 1000 mois dans lequel il n'y a pas Laylatul Qadr. Ce qui veut dire 83 ans et 4 mois. Dire la récompense de 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar, qu'il miséricorde. يقول حفظه الله وليس حديثي إليكم معاشر المسلمين مبسوطا في بيان فضل هذه الليلة والحض على تحريها فقد بسط ذلك في غير هذا الموضع Il dit حفظه الله Mon discours avec vous, assemblée de musulmans, ne concernera pas les mérites de cette nuit ou l'incitation à acquérir son butin. Ceci a été détaillé dans d'autres endroits et dans d'autres assises. يقول حفظه الله وسيكون حديثي مقصورا على مسائل Il dit حفظه الله Mais mon discours sera limité à certains points et à certains sujets concernant cette nuit. يقول المسألة الأولى: هل ترى ليلة القدر بالعين المجردة؟ يجري على ألسنة كثير من العامة أن ليلة القدر ترى نورا بين السماء والأرض. Et il dit, Hamidahullah Ta'ala, le premier sujet ici, est-ce que cette nuit se voit à l'œil? Car dans les paroles de beaucoup de gens de la masse, la nuit de l'Qadr se voit une lumière entre le ciel et la terre. Et comme j'ai dit au début, cette croyance existe aussi chez la masse du Maghreb. يقول حفظه الله وسترى فيما نبينه ضمن الجواب على هذا السؤال إن كان ذلك صحيحا. إيه؟ Il dit حفظه الله tu verras dans ce que nous allons clarifier dans la réponse à cette question si cela est vrai ou pas. يقول فنقول بادئ ذي بدء لا يقبل مثل هذا القول إلا بحجة يجب التسليم لها، وهذه الحجة إما آية من التنزيل الكريم أو حديث صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله: pour débuter, nous disons, ce genre de parole ne peut être accepté sauf avec une preuve à laquelle il est obligatoire de se soumettre, et cette preuve ne peut être qu'un verset du noble livre d'Allah ou un hadith authentique de l'infaillible sallallahu alayhi wa sallam. قال حفظه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد ولفظه يا نبي الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وللنساء في الكبرى يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أدعو به؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أسأل الله فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذ حفظه الله تعالى سنو عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله وعن الصحابة الصحابيات الجليلات سنو عائشة كي يدي جدي أومي الصجي دالله سي Je parviens à reconnaître la nuit de l'Qadr, que devrais-je dire durant cette nuit-là? Il a dit, alayhi salatu wassalam, dit, ô Allah, tu es indulgent, et tu aimes l'indulgence, sois indulgent à mon égard. Ou alors, on peut le traduire aussi, ô Allah, tu es pardonneur, et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith sahih, comme il est rapporté par Ibn Majah, et par l'imam Ahmed aussi. L'expression de l'imam Ahmed, Aïcha dit, ô prophète d'Allah, si je surviens fortuitement à Laylat al-Qadr, que devrais-je dire? Il a dit, alayhi salatu salam, dis, ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et dans le Kubra, l'Innasa'i, ô messager d'Allah, si je surviens fortuitement à Laylat al-Qadr, quel dua dois-je faire? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni, qu'on peut traduire soit par, ô Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, sois indulgent à mon égard, ou sinon, ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Dans une autre version, ô messager d'Allah, si je surviens fortuitement à Laylat al-Qadr, je demande quoi à Allah? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma innaka afoun, dis, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afou fa'afu anni. Notre noble cheikh, il dit, فليس في الحديث بمجموع رواياته دليل على رؤية هذه الليلة المباركة بالعين المجردة. يدي حفظه الله dans les différents hadiths, hein, dans les différentes voies du hadith qu'il a cité, il n'y a aucune preuve que cette nuit se voit à l'œil. يقول حفظه الله وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة حيث أن بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل Et donc, Cheikh, notre noble Cheikh dit, la question fut posée à Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Est-ce que la nuit de l'Qadr se voit à l'œil humain? Car certaines personnes disent, si la personne arrive à voir Laylatul Qadr, il verra une lumière dans le ciel et des paroles similaires à cela. Comment le messager et ses compagnons l'ont vu? Et comment la personne peut savoir qu'il a vu Laylatul Qadr? Est-ce que la personne aura les récompenses de Laylatul Qadr même s'il ne l'a pas vu? Ne souhaitons des éclaircissements sur cela? Ça, c'est la question posée à l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Voyons la réponse maintenant. وذكر الحديثين الشيخ ابن باز أسيتي لدو حديث ها قال حفظه الله قال رحمه الله قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وذلك برؤية أماراتها وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها انتهى كلامه رحمه الله وذكر الحديثين المتقدمين Donc la réponse d'Ibn Baz, rahimahullah, a dit, Laylatul Qadr peut être vue à l'œil. Celui à qui Allah l'a fait voir, hein, il peut être vu à l'œil par celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait voir. Et cela se concrétise par la vue des signes de Laylatul Qadr. Par la vue de ces signes. Les nobles compagnons argumentaient concernant Laylatul Qadr par les signes de celle-ci. Mais le fait de ne pas l'avoir n'empêche pas d'avoir ses récompenses et ses mérites pour celui qui l'accomplit parfois en Allah, espérant la récompense d'Allah de cette nuit. Le musulman se doit de la rechercher en faisant des efforts dans l'adoration durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour obtenir les récompenses, car si sa recherche se fait parfois en Allah, en espérant les récompenses chez Allah, il aura les récompenses de cette nuit, même s'il ne sait pas c'est laquelle des nuits. Fin de citation du recueil du Fatawa d'Ibn Baz, le tome 6 à la page 398. Et Cheikh Rahmatullah, il avait cité aussi les deux hadiths cités auparavant. المسألة الثانية هل لها علامات تعرف بها؟ يقول شيخنا متع الله به وأطال عمره في طاعته يتلخص مما سبق أن ليلة القدر لا ترى بالعين المجردة كما هو شائع عند العوام وقد أسلفناه وإنما لها علامات وهك هذه العلامات على وفق ما صحت به السنة Et notre noble شيخ كالله سبحانه وتعالى le guérisse Et alors, le salut dans son obéissance dit, hein, le deuxième sujet, est-ce que cette nuit a des signes pour la reconnaître? Et il dit, Habibullah, donc on conclut de ce qui a été cité auparavant que Laylatul Qadr ne se voit pas à l'œil, comme il est propagé chez la masse. Mais cette nuit a des signes, et ces signes sont selon ce qui a été rapporté authentiquement dans la Sunna. قال حفظه الله الأولى الطلاقة العلامة الأولى الطلاقة لحديث جابر عند ابن حبان وابن خزيمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها قال الألباني صحيح لغيره. Donc il dit حفظه الله تعالى le premier signe de cette nuit, ليلة القدر, le premier signe c'est que c'est une nuit douce qui n'est ni chaude ni froide. Cela est prouvé par le hadith de Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré, rapporté par ibn Hibban et par ibn Khuzayma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de ses saintes miséricordes. Jabir a dit, le messager d'Allah a dit, j'ai vu la nuit du destin, mais on me l'a fait oublier. Il se trouve dans les 10 dernières nuits, c'est une nuit douce, claire, ni chaude, ni froide. C'est, il est éclairé par une lune qui fait apparaître ses étoiles. Son shaitan ne sortira qu'une fois que son fajr apparaîtra. Ce hadith est authentifié, hein, par ces différentes voies. Il est authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans ce hadith que il a vu cette nuit quand il a fait la vision dans son sommeil, hein, lors de son i'tikaf, hein, lors de l'année où il a fait l'i'tikaf dans les dix nuits médianes du mois de Ramadan. Et il lui a été annoncé qu'il est dans les 10 derniers jours. C'est pour ça qu'il a demandé, comme nous l'avons vu dans Umdat al-Hakam, à ceux qui ont fait la retraite spirituelle avec lui, de la continuer jusqu'à la fin de Ramadan, parce qu'il a vu, hein, Allah lui a fait voir dans le rêve, dans la vision, dans ses visions, hein, Laylat al-Qadr, et quand est-ce qu'il va être, et il a vu des signes de cette. Mais ce qui a empêché que il l'annonce, c'est que il est sorti pour l'annoncer aux compagnons, mais il y avait deux hommes qui avaient un litige entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait oublier à notre prophète alayhi salatu wassalam. Vous voyez les litiges, où est-ce qu'ils peuvent amener? Hein, donc il l'a vu, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, se rappelait comme quoi on lui a annoncé que c'était dans les dix dernières nuits de Ramadan, et Jibril est venu le voir, il lui a dit, ce que tu cherches, il est devant toi, hein, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Revenons à ce que dit notre noble cheikh, hafidhahullah ta'ala. Donc ici, ce hadith qu'il a cité, c'est le premier signe, il y a le premier signe dedans, qui est que c'est une nuit qui est douce, ni chaude, ni froide. Al-amaratu al-alamatu al-taniya, tulu'u al-shamsi fi sabihatiha la shu'a'a laha. Li hadith ibn Abbasin, radiyallahu anhuma, marfou'an, قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء رواه أبو داود الطيالسي وقال الألباني صحيح رحمة الله على أئمة المسلمين. Donc le deuxième signe de cette nuit, son soleil se lève son rayon éblouissant. Cela est prouvé par le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et Abdullah ibn basse attribue ce hadith au messager d'Allah, qui a dit, la nuit, Laylatul Qadr est une nuit douce, ni chaude, ni froide, le soleil se lève durant sa matinée faible et rouge. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayhi. Wa العلامة الثالثة نزول المطر في ليلتها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. Et donc le troisième signe, durant Laylatul Qadr, la pluie tombe durant Laylatul Qadr. L'argument pour cela est dans le hadith de là, et dans la parole d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, qui contient la parole du prophète alayhi salam, qui a dit, on m'a fait voir cette nuit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu cette nuit, hein, et on me l'a fait oublier. Cherchez-la dans les nuits impaires, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et Abu Sa'id al-Khudri dit, et je me suis vu, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je me suis vu me prosterner dans l'eau et de la boue. C'est-à-dire, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vision, a vu que le fajr de la nuit du destin, que le fajr de la matinée de la nuit du destin, il s'est vu se prosterner dans de l'eau et dans de la boue. Abu Sa'id al-Khudri a dit, nous avons eu la pluie la nuit du 21 Ramadan et le toit de la mosquée, il y a eu un trou dans le toit de la mosquée au niveau de la place où le prophète priait. Et j'ai regardé le prophète une fois qu'il a terminé la prière du sobh, son visage était mouillé par l'eau et par la boue. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Notre noble cheikh dit, فهذه علامات ثلاث صحت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطلبن غيرها. Et notre noble cheikh dit, hein, dans ce qui a été cité, il y a trois signes. Ne cherche pas d'autres. Ne va pas chercher d'autres signes. Ça suffit, les trois signes qui sont dans les hadiths qu'il a cités. Ben, le premier signe, c'est quoi? C'est que c'est une nuit douce. Hein? Une nuit douce. Et c'est une nuit durant laquelle il y a la pluie. Et le soleil de la matinée, le soleil de sa matinée, de la matinée de cette nuit-là, hein, n'éblouit pas les yeux. Il n'est pas très fort, tu le regardes, il ne va pas t'éblouir. Et donc, ça, ce sont les signes, hein, de cette nuit, tels qu'ils ont été annoncés par le messager, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le cheikh, il dit, va pas chercher d'autres signes. Ça te suffit ce qui est dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. La mas'alat al-thalitha, hal yasugh lil muslim an yunshura ma ra'ahu min alamat tilka al-laylah al-mubarakah. Le troisième sujet ici du cheikh, est-ce qu'il est permis aux musulmans de propager ce qu'il a vu, hein, de cette nuit bénie? Ce qu'il a pu voir de cette nuit et les signes de cette nuit, est-ce qu'il lui permet de le propager? قال حفظه الله ماذا يقال لمن أولع صبيحة كل ليلة وتر من هذه العشر تشوفا بعلامات هذه الليلة ومن ثم نقل ما يرونه بالصورة بين مستقل ومستكثر. Il dit, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui chaque matin des nuits impaires de la fin du mois de Ramadan sont passionnés par la recherche des signes de la nuit de Laylatul Qadr et de transmettre, hein, ce qu'ils ont vu en photo, tout ce qu'ils voient comme signe, ils le prennent en photo et ils le transmettent. Certains exagèrent dans cela, certains sont moyens. يقول حفظه الله فيقال أولا هل سلك هذا المسلك من السلف الصالحين أحد قبلكم فإن قلتم نعم قلنا أسندوا قولكم عن إمام معتبر وإن قلتم لا قلنا فلماذا إذن تتكلفون شيخ حفظه الله تعالى اللي premièrement On dit à ceux qui agissent ainsi, qui prennent les photos des signes, et qui les envoient. Premièrement, on leur dit, est-ce que cette voie que vous avez prise a été empruntée par un des pieux prédécesseurs avant vous? Si vous dites oui, alors argumentez avec les paroles d'un imam considéré. Et si vous dites non, pourquoi alors vous vous êtes imposé cela? Et pourquoi vous le faites? وثانياً ننقل ما نرى أنه مما يروي الغليل ويشفي العليل نصيحة لمن أحب النصيحة فنقول قال الحافظ رحمه الله واستنبط السبكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن لقاها أي قلت يعني علاماتها لمن رأى علاماتها قال ووجه الدلالة أن الله قد قدر لنبيه أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك إذن حفظه الله تعالى deuxièmement on vous rapporte ce conseil qui est ce conseil qui étanchera la soif et guérira ceux qui aiment le conseil et qui acceptent le conseil. Le mémorisateur Al-Hafid ibn Hajar dit que Subki al-Kabir a déduit dans le Halabiyat de cette histoire qu'il est préférable de ne pas divulguer Laylatul Qadr par celui qui a vu ses signes. Il est préférable qu'il ne la divulgue pas. Et il a dit, rahimahullah, l'argumentation pour cela, c'est qu'Allah a prédestiné à son prophète de ne pas annoncer la Laylatul Qadr. Et tout le bien est dans ce qu'Allah lui a prédestiné. Et il est préférable de le suivre en cela. Regardez l'orientation des imams. Toujours le suivi du messager alayhi salatu wassalam. وذكر في شرح المنهاج ذلك عن الحاوي وقال والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب ومن جهة لا يأمن الرياء إلى ستة دون شرح المنهاج le rapportant du Hawi qui a dit la sagesse est le but de cela. C'est-à-dire la sagesse est le but de la cacher, de ne pas la divulguer. C'est que c'est une karama. Le karama c'est quelque chose de surnaturel qui existe, à laquelle nous devons croire, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala comble et honore certains de ses alliés. Donc comme c'est une karama, et la karama, il ne faut pas la divulguer. Il n'y a aucune divergence là-dessus. La karama, l'unanimité sur le fait de ne pas la divulguer. Pourquoi, il est expliqué par le mémorisateur ici. Car la personne n'a pas, s'il la divulgue, il n'a pas la garantie qu'il ne va pas lui être ôté. S'il annonce qu'il a vu cette chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, il n'a pas la sécurité ni la garantie que ça ne va pas lui être enlevé. Et aussi d'un autre côté, il n'a pas la garantie de ne pas tomber dans l'ostentation. Il a vu cette noble chose, et il l'a dit, ça peut le rentrer dans la situation où il devient imbu de lui-même. Et ça peut l'emmener à tomber dans l'ostentation. D'où l'intérêt de ne pas la divulguer. ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس. ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحظور ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Et au niveau du comportement, il ne doit pas la divulguer, car il ne doit pas susciter, il ne doit pas la divulguer et en parler aux gens, parce que ceci peut lui faire oublier le fait d'être reconnaissant à Allah Azza wa Jal et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a comblé avec cette vision, avec le fait d'avoir vu ces signes. Et aussi, au niveau du comportement, il n'a pas la garantie qu'il ne va pas susciter la jalousie, c'est certain. Ainsi, il les fera tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et cela peut être prétexté et argumenté parce qu'il y a dans le verset, dans ce que Yaqub a dit au frère de Yusuf alayhi salatu wassalam, dans la traduction approximative du sens du verset, ne raconte pas tes visions à tes frères. Donc au niveau du comportement, on ne doit pas la divulguer parce que le fait d'en parler aux gens, peut-être, ça va nous faire oublier le fait de remercier, d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a fait voir. Et aussi, ça peut susciter la jalousie de certains, et donc on va les faire tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. وقال الماوردي رحمه الله الماوردي الشافعي ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها قلت يعني علامة من علاماتها وقد سبق أنها لا ترى بالعين المجردة ويدعو بإخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته وذكر حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم الماوردي الشافعي رحمه الله أدي Il est préférable à celui qui a connu Laylat al-Qadr de ne pas la divulguer. Comment il l'a connu? Celui qui a vu ses signes, comme a dit Cheikh, ou l'un de ses signes, ou tous les signes. Celui, il n'a pas à la divulguer. Il doit s'occuper à faire des du'as et implorer Allah avec sincérité et ayant l'incertitude sur l'exauce d'Allah en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, des choses de la religion et des choses du mondain. Et passer cette nuit dans le dua et faire beaucoup de dua, et la grande partie de ces dua doivent concerner son au-delà et sa religion. Et il a cité le hadith de Aïcha, Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Donc il en sort de ces paroles de l'Mawardi qu'il est préférable de ne pas la divulguer à celui qui a vu les signes. Et comme quoi cette personne doit s'orienter vers Allah avec sincérité, avec certitude. En implorant Allah avec sincérité, en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Il demande à Allah les choses de son mandat et les choses de sa religion, et qu'il fasse beaucoup de dua pour sa religion, pour son au-delà. Et qu'il utilise beaucoup la formule du dua que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha, Allahumma innaka afoun, tuhibbu l'afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, sois indulgent vers moi. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Notre noble cheikh a dit, فافهم يا من تحب النصيحة هذا الكلام واقدر له قدره واسلك سبيل أهل الهدى والتقى وإياك ومداخل الشيطان ومنها إشهار العمل الصالح للناس واعلم أنه واعلم أنه كلما أخفي العمل الصالح كلما كان أكثر أجرا إلا إذا ترتبت مصلحة على إشهاره وليس إشهار علامات ليلة القدر ممن رآها كلها وبعضها من المصلحة. وقد عرفت مما نقلناه لك من كلام أهل العلم مؤيدا بالأدلة ما يترتب على ذلك من المفاسد، فإياك ثم إياك فترديك هذه المحدثات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وحرر صباح السبت 21 من رمضان سنة 1435. Notre noble cheikh a dit: comprends ces paroles, toi qui aimes le conseil, et donne-leur leur valeur, et prends le chemin des gens de la guidée et de la piété. Fais attention aux failles de Shaitan, et parmi cela, le fait de faire la publicité des bonnes œuvres devant les gens. Et sache, plus la bonne œuvre est gardée secrète, plus il a beaucoup de récompenses, sauf s'il y a un intérêt à la déclarer aux gens. Et le fait, il n'y a aucun intérêt dans le fait de divulguer certains signes ou tous les signes de Laylatul Qadr par celui qui les a vus. Il dit, Habibullah, maintenant que tu sais cela et que tu sais le grand mal qui en découle de par les textes de savants que nous t'avons cités, attention et attention aux nouveautés qui vont t'amener à ta perte. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons, écrit le samedi 21 Ramadan en l'an 1435 par Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, l'ancien enseignant à l'université de la l'université islamique de Médine. Ici s'arrêtent les paroles de notre noble cheikh concernant cette erreur propagée durant Laylatul Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance et qu'il le guérisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse revenir sur le terrain de l'enseignement. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, je rajouterai cela. Pour certains, parmi nous, cette soirée, c'est la nuit du 27 Ramadan. C'est la nuit du 27 Ramadan. Je vous rappelle que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il n'y a pas qu'il est dans les nuits impaires des deux derniers jours, des deux dernières nuits de Ramadan. Et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers le fait de rechercher la nuit du destin durant ces nuits, et que, qu'il est prépondérant que ce soit dans les nuits impaires. Certains nobles compagnons d'Allah alayhim, dont des hadiths authentiques, comme Ubayy ibn Ka'b et d'autres, faisaient le serment comme quoi Laylatul Qadr est dans la nuit du 27. Les hommes de science disent que cette nuit se déplace. Et ça peut même, selon certains hadiths, et selon comment il est le mois, s'il est de 30 ou de 29 jours, peut être dans les nuits paires. On arrive vers la fin. Et il ne faut pas lâcher. Il faut doubler encore plus d'efforts. Et passer ces nuits qui nous restent dans la prière, dans la lecture du Coran. Et cette nuit du 27, elle a passé à implorer Allah Azza wa Jal et à répéter ce dua de notre noble mère Aïcha, Allahumma innaka afoun tuhibbul afou fa'afou anni, et à faire des prières nocturnes et à allonger la lecture, à faire des prosternations longues et des inclinaisons longues et ainsi de suite, et à faire dua et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de ce bas monde et le bien dans la religion et le bien dans l'au-delà. فأسأل الله فأسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر.